Allez, retour en direct pour cette 20e édition de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Alors la définition de transition, c'est le passage d'un état à un autre, avec comme synonyme le changement. Et nous sommes en 2025, la société dans laquelle on vit nécessite du changement. Changement dans les valeurs, entre guillemets, dans nos systèmes institutionnels, dans les rapports humains. Un changement aussi dans un modèle capitaliste qui accroît les différences. Terre et liberté manifeste antiraciste pour une écologie de la libération aux éditions Les Liens qui Libèrent fait l'objet donc aujourd'hui d'une conférence à 14h sur ce Parc Expo. Une déclaration écrite par de multiples mains qui veut repenser l'écologie politique avec comme racine la dignité humaine. Et nous recevons pour cette discussion Sembala Sidib et Saïd Dioun Adoum, deux rédacteurs finalement, deux créateurs de ce manifeste. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Peut-être ce qui serait bien, ce serait que vous vous présentiez. Qui êtes-vous finalement? Qu'est-ce qui vous amène à ce manifeste-là et plus largement à ce tatou juste aujourd'hui? Merci pour cette invitation. Nous sommes de l'association ACAD. L'association ACAD est une association qui a été mise en place par des personnes migrantes et aussi des paysans. Pour aussi, et je pense que c'est pour aussi quand même des raisons aussi d'élite que je pense on a mis en place cette association. Et la raison pour laquelle je pense qu'on a essayé de joindre toutes nos actions ensemble avec des écrivains, des activistes et beaucoup plus dans le domaine de l'écologie, de la décolonisation, du féminisme, tout ça. La raison, c'est de joindre nos actions pour faire bloc au capitalisme. Alors, bonjour. Présentation aussi. Moi, c'est Sembala, dans le même de l'association 4. Oui, parce que l'idée aussi, c'est d'évient et moment de Covid, qu'il y a beaucoup de galères parce qu'on voit beaucoup de gens qui dorment dans la rue et qui ont des problèmes de logement. Et à la fois des gens qui ont les galères et qui luttent aussi différentes luttes différentes. Et si dû, bah, pourquoi pas réfléchir d'essayer de créer une association pour que voilà, à la fois aider à nous-mêmes, à la fois aider à d'autres personnes qui sont dans les mêmes difficultés que nous et comment on peut faire. C'est là que voilà, du coup, le constat qui est sorti là-bas, il t'a ramené encore plus de réflexions qui s'aboutit jusqu'à ce que ça arrive là pour créer une association. Et là, donc, je dirais s'il y a une invitation qui a été faite à la reprise des terres, à Notre-Dame-des-Landes pour que voilà, chaque personne puisse se présenter là-bas et dire son parcours et présenter aussi l'idée que voilà, du coup, on a envie de créer cette association. Et c'est d'où toutes les idées qui sont commencées après depuis 16 ans et ça a dit que pourquoi pas créer un lien entre ville et la campagne et dans les milieux ruraux et ruraux et dans d'autres pays comme en Afrique, pays du Sud, pour qu'on puisse créer vraiment, il y a des choses qui se passent là-bas et comment on peut ramener ici pour que ça puisse marcher ici, quoi. Alors, au-delà de l'association, c'est donc votre présence ici autour de ce manifeste Terre et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, qui fait donc l'objet de l'édition d'un livre écrit à de nombreuses mains, avec des associations, avec des personnalités. Alors, comment s'est né ce projet-là, quelle est l'idée première au début de la rédaction de ce manifeste? Bah, l'idée, le début, c'est de venir Fatma Wasak et qui a essayé de voir rassembler beaucoup d'écrivains et avec des auditeurs et qui dit que voilà, qu'on a envie vraiment écrire un livre pour envoyer un message sur l'État. Et qui comprennent vraiment tout ce qui se passe dans les milliers de mondes qu'on vit et tous les racismes et toutes les choses qui se passent pour qu'ils vraiment trouvent aux gens mêmes idées et mêmes envies et qui voulaient que vraiment envoyer un message très très très fort pour que des gens puissent comprendre c'est que vraiment d'autres, des gens qui sont très très bas, les choses qui sont en train de subir et qui voilà et qui ne sont pas méritées. L'idée, vraiment, il a rassemblé beaucoup de gens, voilà, discuter de ça, quoi, pour vraiment écrire un livre qui représente toutes les luttes qu'on est en train de lutter et représente au moins 3 ans. Vraiment, c'est très important qu'on puisse prendre certaines choses vraiment en main pour qu'on puisse mettre les choses claires, quoi. J'aimerais aussi ajouter un peu, ça veut dire que les luttes, je pense, sont menées quand même de manière un peu diversifiée. Des féministes sont à côté, et les écologistes sont à côté, tout ça. Et du coup, l'idée, c'est beaucoup plus de se mettre ensemble, faire une bloc. Et là, je pense qu'on peut avoir plus d'impact que d'être comme dans des rangs dispersés, tout ça. Donc, du coup, beaucoup plus dans le livre, on parle beaucoup plus de la décolonisation, de l'écologie, du féminisme. C'est des combats, je pense, que les gens ont déjà mené depuis longtemps, tout ça, et que je pense qu'on n'a pas arrivé quand même à un bout. Alors, l'idée, c'est de se rassembler ensemble pour avoir quand même une force, mobiliser tout le monde sur cette approche et aller quand même pour avoir quand même des résultats beaucoup plus conséquents, beaucoup plus. Alors, vous avez cité Fatima Wasak, finalement, qui a dirigé hein, la rédaction, alors dirigé entre guillemets la rédaction de ce manifeste-là. Mais est-ce que toutes les entités représentées, toutes les personnes, est-ce que vous êtes concertées? Est-ce que vous connaissez? Ou est-ce que vous vous retrouvez finalement seulement dans ce livre-là? Ou est-ce que c'est des personnes avec qui vous partagez? Bah, il y a eu quand même des rencontres plusieurs fois pour la manière de rédiger. Qu'est-ce qu'on peut apporter quand même dans ces livres, tout ça. Donc du coup, chaque partie a essayé d'apporter en fonction de sa vision et en fonction de ce qu'elle veut, à ce que vraiment ce monde change. Donc chacun a apporté vraiment le mieux de lui-même. Et du coup, je pense qu'il y a eu quand même des assises pour mieux quand même voir quels sont les messages qu'on veut apporter au public, tout ça. Donc du coup, je pense qu'il y a eu quand même des entretiens qu'on a eu. Et je pense qu'on a eu quand même... à échanger sur ça. Alors, à qui ça s'adresse ce manifeste-là? Est-ce que ça s'adresse au monde politique? Est-ce que ça s'adresse à la population en général? Est-ce que ça reste en France? Est-ce que ça va au-delà des frontières? Je pense que quand on parle de l'écologie, je pense que l'écologie aujourd'hui, je pense, c'est pas la France, c'est pas l'Afrique, c'est les 5 continents et c'est le monde. Aujourd'hui, quand on parle du changement climatique, je pense que le changement climatique, s'il y a l'impact, par exemple, en Afrique, on doit aussi le sentir ici en France. Donc, du coup, ça veut dire que nous sommes tous concernés sur le problème de l'écologie et du changement climatique. Donc, du coup, le message est adressé à tout le monde et que chacun puisse apporter le peu qu'elle peut, je pense, pour qu'il y ait quand même un changement de comportement. Non, ouais, c'est pareil parce que si on voit actuellement des salaires qui étaient en Afrique, mais actuellement on ressent ici. Ben, c'est pour ça que nous on réfléchit à la fois comment on peut vraiment voir tout ce qui se passe là-bas pour qu'on puisse montrer aux gens. Et tant que les climats sont, c'est important. Nous en tant qu'être humain, on essaie de voir recevoir cette thématique pour changer. Mais comme on n'est pas de même vision. Et comme mon collègue vient de dire, il faut qu'on trouve une solution pour que vraiment on puisse mettre toutes nos armes ensemble et combattre ensemble. Parce que nous, on a beaucoup d'entre nous, on a le même objectif. Comment on peut arriver à rassembler tous ces objectifs ensemble pour qu'on puisse partir plutôt que de se séparer? Ça ne donne pas plus de force à nous pour qu'on puisse vraiment aller au bout là où on voulait aller, quoi. Alors, rassembler, ça veut dire qu'il y a des divisions, alors qu'il y a des divisions, il y a des luttes différentes. On parlait des luttes féministes, luttes antiracistes, luttes en faveur de l'écologie, etc. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que c'est difficile de rassembler tout le monde, en fait? Est-ce qu'on n'a pas une sorte de hiérarchie dans les luttes ou de concurrence dans les luttes? Comment on fait pour rassembler tout ce monde-là qui veut finalement avancer pour un monde meilleur, alors monde entre guillemets, mais voilà, est-ce que vous avez constaté des divisions, peut-être des divergences de points de vue, même à la rédaction de ça, de ce manifeste-là, et puis comment on arrive finalement à trouver du compromis, si c'est pas du compromis, au moins une idée directrice commune? Moi, je pense que, par exemple, quand on parle par exemple de l'écologie, de la décolonisation, du féminisme, moi, je pense que c'est des choses qui c'est elle se complète beaucoup plus au fur et à mesure. Je pense qu'on essaie de réfléchir beaucoup plus en profondeur. On essaie quand même qu'il y a toujours un point central qui nous unit beaucoup plus. Quand on parle de l'écologie, quand on parle de la décolonisation, aujourd'hui, je pense qu'on parle de la migration. Quelles sont les causes de la migration, par exemple? Sur le changement climatique, c'est aussi l'influence de la politique dans un autre pays qui pousse les gens à fuir leur pays parce qu'il y a le changement climatique ou bien il y a aussi des oppressions de l'autre part qui poussent les gens quand même à changer d'un pays à un autre. Là, je sais pas, on parle de la décolonisation et du coup, ça rentre directement avec l'écologie parce qu'il y a aussi quand même la sécheresse, par exemple, en Afrique, en Asie, par exemple, quand on prend, par exemple, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, par exemple, des gens qui viennent beaucoup plus vers l'Europe. Pourquoi? Parce que il y a la sécheresse là-bas, c'est du changement climatique. Donc du coup, toutes ces approches, je pense qu'on a quand même les mêmes... Le problème, moi, je pense qu'on a un noyau beaucoup plus, c'est la gouvernance mondiale. Décider pour les autres. Voilà. En fait, décider sans les autres, décider pour les autres. C'est ce pourquoi un grand nombre de personnes luttent. C'est difficile aujourd'hui. C'est très difficile parce qu'on est en face de l'État qui n'arrête pas vraiment toujours être augmenté en puissance. Et comment on peut vraiment avoir trouvé une solution pour que vraiment et cette puissance qu'on puisse le diminuer. Je sais que ce n'est pas facile, mais en tant qu'on on lutte ensemble, et parce que si on voit l'État, s'il essaie de vraiment voter en loi, tout, même si c'est que les lois, il est pourri, qu'il n'est pas bon, et c'est toujours vraiment être ensemble pour vraiment valider cette loi, même s'il ne s'entend pas. Et dès que ces lois, ça valide, ça passe, et chacun reprend là où il était avant pour qu'il puisse se combattre. Mais c'est comme ça que nous, on doit faire vraiment. On n'est pas la même lutte, même si on ne combat pas la même manière de lutte, mais c'est important, quand on lutte des choses comme celui-ci, on doit mettre vraiment toutes nos forces et toutes nos vraiment des idées et réfléchir ensemble vraiment pour lutter pour qu'on puisse avancer. Regarde, avant, l'État, il dit problème, c'est des migrations. Parce que quand on voit l'État, il parle toujours des migrations, tous les jours. C'est des migrations, c'est des migrations. Et ça fait vraiment augmenter l'air puissante pour cette personne quand il a envie d'être un président. Il faut parler d'immigration parce que vous avez beaucoup de vies dans les réseaux sociaux et ça donne encore plus de puissance. Les personnes puissent pouvoir augmenter encore leur place pour aller plus loin. Donc comment on peut essayer de voir vraiment et à la fois question d'asile. Donc avant, l'équiteur fait l'état 6 mois ou 1 an. Maintenant, ça augmente. Même si tu fais des demandes, tu as été en France, tu as tes enfants, ils sont nés ici en pays, et vous êtes là. Et quand vous voulez renouveler vos résidences, maintenant, ils vont donner des quittés. Alors que vous avez cotisé dans un pays depuis pendant 10 ans, 20 ans, et jour au lendemain, on vous donne un quittés. Et sans justificatif. Et c'est très difficile à comprendre, à vivre. Mais vraiment, ces livres, ça montre beaucoup de voies pour que des gens disent que vraiment, il y a des possibilités, il y a des choses, mais pour qu'on puisse réaliser tout ça, il faut qu'on vraiment on arrive à avancer ensemble, quoi, pour qu'on puisse vraiment aller plus loin, plus notre lutte, pour qu'on puisse aller trouver ce qu'on cherche, quoi. Et il y a une réalité aussi, hein, si on reste sur ces parcours migratoires, un parcours de réfugiés, où on travestit une réalité en disant que les personnes viennent ici pour profiter d'un système, hein, c'est, vous le dites. Ouais. Voilà. Et que lorsqu'on s'intéresse un peu aussi à la chose, on s'aperçoit que forcément, c'est pas du tout ça et que le parcours est jonché de difficultés, même jusqu'à l'arrivée. Et c'est peut-être pour ça aussi l'idée de converger un peu toutes les luttes, c'est de faire prendre conscience aussi à des personnes qui sont en capacité de revendiquer, d'aller un peu plus loin que de leur revendication première et d'élargir. Et c'est peut-être ça l'objectif du manifeste, c'est d'élargir à tous les sujets de société pour avancer ensemble. Alors, lors d'une conférence telle que celle que vous allez animer tout à l'heure, comment vous l'imaginez avant de la réaliser? Est-ce que vous avez déjà fait des conférences autour de ce manifeste? Oui, on a fait quelques fois à Paris. Moi, j'ai participé juste la première ouverture de l'événement Académie Climat. Et après, c'était divisé partout. Ça dépend qui va être insisté, qui va aller à la représentation là-bas. Ça dépend de la disponibilité de chacune personne, quoi. Alors là, si on vous considère tous les deux, il y a ce texte-là sur lequel vous avez travaillé et que vous proposez. C'est ancrage dans la terre et liberté de circulation. Liberté de circulation, oui. Alors, de quoi ça parle? On imagine bien dans ce titre-là, mais finalement, qu'est-ce que vous avez développé comme idée au sein de ce texte? Bon, je pense que l'idée est beaucoup plus c'est de penser aussi à la migration et de réfléchir beaucoup plus en profondeur. Pourquoi la migration? Parce que tout le temps, dans les médias, c'est les migrants. On ne parle que du point négatif beaucoup plus du migrant, mais on ne parlera jamais quand même du point positif d'un migrant. Et on ne parlera jamais aussi pourquoi qu'il y a aussi de la migration. Nous sommes des humains. S'il faut parler de la liberté. Il y a des peuples, par exemple, qui viennent de l'autre côté sans visa, sans rien. On parle de l'expatriation. C'est un expat. Alors, si nous, on change de sens, nous sommes des migrants. Et les mots ne sont pas les mêmes. Voilà. Et on n'utilise pas les mêmes mots. Pareil, si on parle d'écologie, on est aussi dans un côté donneur de leçons du nord au sud, alors que finalement, si l'on parle de tout ce qui a été mis en place, on parle de modèles écologiques qui peuvent mettre en place, par exemple, sur le continent africain, qui serait tout à fait intéressant de s'y intéresser pour aussi, dans les pays du nord, l'adapter. Mais on est toujours dans ce côté-là, un peu descendant, un côté colonialiste ou un côté, finalement, un peu un sentiment de supériorité. Alors nous, je pense, nous cherchons beaucoup plus à militer pour qu'il y ait quand même ce respect beaucoup plus de la dignité humaine, de partage beaucoup plus dans le domaine de l'écologie, de la culture. Le changement climatique, comme je l'ai dit au début, je pense que ça nous concerne tous. Que nous sommes du sud ou bien du nord, je pense que le changement doit nous impacter, qu'on veut ou pas, je pense que ça doit nous impacter. Alors il faut qu'on descende sur les mêmes points d'égalité pour essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monde. Le monde, je pense que ce n'est pas seulement des humains. Il y a aussi des animaux. La forêt qui nous entoure, tout ça. Je pense que c'est un bien pour tous. Alors nous sommes en train de le détruire. Alors essayons de réfléchir ensemble pour mettre en place. Et pour cela, il faut d'abord, on casse d'abord toutes ces barrières, des frontières beaucoup plus qui handicapent les gens à apporter le mieux qu'ils peuvent. Donc du coup, nous militons beaucoup plus à ce qu'il n'y ait pas quand même ces barrières des frontières ou bien des visas ou bien des cartes de séjour, tout ça qui bloque beaucoup de choses. Et du coup, je pense que ça remonte à une approche beaucoup plus qui est un peu difficile pour les gens du sud que aussi que pour les gens du nord. Donc du coup, on cherche beaucoup plus à militer pour qu'il y ait quand même, on casse ces barrières, on laisse les gens agir pour qu'on puisse aussi apporter une contribution dans ce monde. C'est bien sûr avoir ce côté volontariste de la part de nos dirigeants pour aussi impulser tout ça. Ce manifeste-là, il est à destination alors, du public, bien sûr, avec ce manifeste aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il est aussi, il a aussi pour objectif des discussions avec la conférence. On a des échéances électorales ici en France, municipales bientôt, présidentielles un peu plus tard. Est-ce que ça se veut aussi être un objet d'interrogation des différents candidats? Est-ce que ça aussi, vous allez le proposer par le collectif aux différents candidats, au moins de jeter un œil dessus et au mieux de le lire? Moi, je pense oui, parce que dès la première rencontre, c'était vraiment diviser tous les réseaux pour que tout le monde puisse le voir. Parce qu'on sait qu'ici, 2027, ça va créer des changements. Et comment des gens qui vont venir être politiciens, qui vont venir être présidents, qui puissent vraiment mesurer certains trucs pour qu'ils puissent comprendre vraiment. Il y a des gens qui ont dans ces pays qui souffrent. Ce n'est pas juste des migrations. Il y a certains qui ont nés en France, qui ont né ici, qui ont grandi ici, mais ils souffrent tous les jours. Et c'est pour ça que nous, on a basé vraiment les deux critères. Des gens qui ont ici, qui ont né ici, qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et des gens qui viennent ailleurs. Et sans compter que, voilà, parce que c'est quelque chose que je répète à chaque fois, personne n'est sans papier, quoi. Puisqu'on est tous nés quelque part, on arrive avec un acte de naissance dans ce pays. Et on arrive dans un monde, main vide, on partira main vide. Donc, c'est un système qui est mis vraiment qu'on puisse contrôler qui va où, qui va où, qui est qui, pour vraiment nous contrôler. Mais il faut qu'on. C'est difficile en ce moment pour enlever ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est l'État, qui décide nous diriger, qui peut dire, voilà, toi tu vas aller là-bas, toi tu vas aller à gauche, à droite. Et c'est très très compliqué vraiment s'en sortir avec en politique comme ça, mais nous, on lutte vraiment la liberté et la circulation pour chacun à chacune, pour que vraiment qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire, et quel que soit on est dans ce pays ou à l'autre pays, quoi. Et puis, bien sûr, on rappelle un peu le sous-titre et ce qu'on retrouve dans ce manifeste, c'est remettre la dignité humaine et l'humain à la base de tout et traiter toute personne de la même manière. C'est un peu ce principe-là. Alors, merci Saïd, merci Sembala d'être venu avant votre conférence. C'est tout à l'heure, hein, d'ici quelques minutes au Parc Expo. C'est à l'étage quand vous rentrez dans le salon Tatou Juste. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis nous, on va poursuivre notre après-midi en table ronde, en interview avec d'autres rendez-vous cet après-midi. Prochaine table ronde, témoignage d'une jeunesse face à l'éco-anxiété et l'état sociopolitique du monde. On aura aussi des jeunes qui vont parler. Alors c'est autour d'un projet théâtre qu'ils ont réalisé. On en parlera donc tout à l'heure. Merci à tous les deux. Bonne merci conférence. Merci. Lionel, on reprend le fil de ces deux jours de direct sur l'antenne de Radio Ondaine et l'antenne de Radio Dio.